parce que le micro ouvert démarre avec la parole des gens dans le public qui peuvent, ils peuvent enfin poser leurs questions après la conférence qui vient de se faire. Et c'était une conférence sur le titre c'était vers une monnaie mondiale privée dominant les États. Et c'était une conférence avec André Peters, qui est analyste financier à la Banque nationale de Belgique, spécialiste des monnaies, et il est l'auteur du livre « De la dictature financière à la démocratie monétaire ». Il y avait aussi le professeur Ricardo Petrella, politologue et économiste, et lui aussi, il a écrit plusieurs livres, entre autres « Le bien commun » ou encore « Au nom de l'humanité ». Donc c'est le journal Pour qui organise. Maintenant, ils font des vidéos et prochainement, ils feront des podcasts. Je pense que j'ai tout dit pour que vous compreniez un peu dans quoi on arrive. Dire aussi que le son est pas super bon, parce que voilà, c'est le son des vidéos qu'on m'a envoyées, et il n'est pas au point, hein. C'est le début des vidéos du journal Pour, donc voilà, c'est un peu, c'est pas évident de prendre du son. Et que dire d'autre, que j'avais quand même envie que vous écoutiez ça. Micro ouvert. Voilà. Ah bon, plus près. Parle très près de ta bouche. Très près de ma bouche. Bon voilà, j'espère que j'y arriverai. Merci. Voilà ma question pour M. Petrella. Vous avez fait allusion à la déclaration des droits de l'homme dans laquelle le mot monétaire n'apparaît pas. Mais il y a un nouveau mot qui est apparu, c'est la notion de propriété. Et chose extraordinaire, la propriété a été sacralisée. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit « la propriété est sacrée ». C'est une nouveauté. Est-ce que la démonétisation implique l'absence de propriété? Voilà ma question. Il est vrai que nous sommes dominés par ce principe que toute chose peut être l'objet de propriété. Et un des droits fondamentaux qui ont été reconnus parmi les 30 droits de la Déclaration universelle, c'est le droit de propriété privée. C'est-à-dire qu'on a hypothisé que toute forme de vie peut être objet d'appropriation privée. Bien sûr, les États et les communautés ont limité ces droits en revendiquant la suprématie de la propriété de l'État ou de la collectivité ou du roi. Et c'est ainsi qu'ils ont limité un tout petit peu les dérives et la force de la propriété privée. Nos sociétés occidentales, notamment dans les pays scandinaves, avaient obtenu un certain ajustement qui avait permis de limiter la propriété privée tout en limitant la propriété publique. Et l'une des formes qui a permis aux sociétés scandinaves de réaliser une régulation du vivre ensemble, des échanges, de la richesse, fut justement la fiscalité publique, c'est-à-dire c'était la manœuvre qu'on faisait de la monnaie, c'est-à-dire de la valeur créée par une société, en prétendant qu'il y avait... La collectivité avait le droit de prélever une partie de la richesse produite, exprimée en monnaie, pour constituer les ressources financières de la collectivité, dans le but de financer collectivement les biens et les services d'intérêt collectif. C'était ça le truc, et c'était effectivement l'affirmation qui avait été retenu par pas mal d'économistes comme nécessaire indispensable, notamment Keynes, qui avait dit « la monnaie est un instrument de la souveraineté de l'État pour que l'État soit capable d'offrir à ses citoyens les droits que l'État reconnaît, l'accès aux droits que l'État reconnaît. » Et c'est pour ça que la fiscalité redistributive était devenu un instrument remarquable, démocratique, à travers lequel l'État, la finance publique, finançait justement l'eau, finançait les trains, finançait la route, finançait les hôpitaux, finançait les écoles. La culture despotique du marché et la culture despotique de l'argent a dit ça, c'est un vol. Il ne faut pas que l'État, la collectivité, vole la richesse des gens. Résultat, depuis 40 ans de cette conviction, tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de, sauf certains, ou de droite, font la course entre eux pour dire « c'est moi qui réduis les taxes mieux que toi ». C'est-à-dire la réduction des taxes est devenue un objectif politique de la justice et de la démocratie. Et c'est pour cela que la réduction des taxes, des impôts, a réduit complètement toutes les recettes fiscales et donc les capacités financières de la collectivité. Et la collectivité dit « mais je n'ai plus l'argent ». Je n'ai plus l'argent pour financer l'école. Je n'ai plus l'argent pour financer la recherche. À l'époque de mon travail à la commission sur la science et la technologie, j'ai essayé de me battre un tout petit peu pour maintenir qu'au moins le financement de la recherche soit surtout une prérogative de l'État, de la collectivité. Pas du tout. La Commission européenne, à un certain moment, un conseil des ministres de l'Union européenne a déclaré, et c'était en 87, a déclaré que 70% de la recherche en Europe devait être financée par le secteur privé. Et c'est pour cela qu'on a donné les brevets alors. Les brevets sur les vivants, les brevets sur la connaissance, les brevets sur les algorithmes. Donc, j'ai été très un peu long sur la question de la propriété, mais je pense que vous avez bien fait de la poser, la question, parce que la question propriétaire est l'une des questions fondamentales de notre société. Si je peux intervenir peut-être sur ce sujet. Oui, vas-y. Donc, il faut remettre dans le contexte, 1789, c'est le développement du libéralisme. Donc, on a une société qui sort du Moyen-Âge, moins de 100 ans plus tôt, et qui, développement du libéralisme, des industries naissantes au Royaume-Uni notamment, avec tous les phénomènes d'enclosure, etc. Et donc, le concept de propriété doit se comprendre dans ce contexte-là à l'époque. C'est effectivement un certain nombre d'entrepreneurs avec un système financier qui se mettait. Et donc, ce n'était pas la propriété de l'ensemble de dérives qu'on a connues aujourd'hui. Mais ce principe de propriété aujourd'hui, si j'étais marxiste, je dirais la propriété, c'est du vol. Maintenant, je suis écologiste. Donc, j'ai un discours un petit peu différent. C'est qu'aujourd'hui, le principe de la propriété, en réalité, il est quand même battu en brèche sur pas mal de points. Simplement, si vous voulez faire à votre propriété, votre maison, votre bien personnel, si vous voulez rajouter une pièce, une salle de bain ou quoi que ce soit, vous devez demander un permis de bâtir ou un truc de, enfin, une autorisation à l'administration. Donc, votre droit de propriété est limité. Si vous voulez mettre le feu à votre maison, ça, c'est même interdit. Vous ne pouvez pas le faire. Et donc, le droit de propriété, il est occupé à changer de manière très forte. Par exemple, si on voit les relations entre l'homme et les animaux, le règne animal, ils sont occupés à changer. Aujourd'hui, il y a des législations qui sont introduites sur le bien-être animal et sur le fait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Et donc, si vous êtes propriétaire d'un chien, d'une vache ou de n'importe quoi, vous ne pouvez plus le considérer comme un objet, ce qui était le cas il y a 100 ans d'ici. Donc, ce droit de propriété, il évolue considérablement. Je pense qu'il évolue de manière assez plutôt favorable, je dirais. Il va plutôt dans un sens où on va le limiter plutôt que de l'affirmer. Mais on l'affirmait en 1789, ou les années plus tard, dans un cadre qui était un cadre purement économique d'entrepreneuriat et pas dans un cadre universel comme il a été pratiqué avec les dérives de la société libérale. Et donc aujourd'hui, je pense que ce principe, dans l'évolution des idées, c'est une idée qui est du 19e siècle, elle est exprimée de manière brutale. Je pense que tout doucement, au 20e siècle, on a connu effectivement la démocratie sociale, avec la social-démocratie qui s'est mise en place. Et donc là, c'était déjà un premier coup dans le propriétaire du capital, où en fait on a dit, c'est pas tout de protéger le capital, il faut aussi protéger le travail. Et on arrive aujourd'hui dans un contexte, je pense que c'est le combat du 21e siècle, dire, mais oui, c'est bien de protéger le capital, c'est bien d'avoir protégé le travail, mais aujourd'hui, protégeons aussi l'environnement, la nature l'eau, toutes ces questions-là. Et donc ce droit de propriété, je pense, c'est un concept fondamental de notre société, mais je crois qu'il évolue de manière assez forte. Et je pense que la question climatique va remettre en cause fondamentalement cette question de propriété. On ne peut pas considérer que l'Australie soit la propriété de quelqu'un. L'Australie flambe, les nuages de fumée ont fait le tour de la planète. Ce qui se passe sur le sol australien nous concerne tous. Et il y a des impacts sur notre vie, peut-être pas quotidienne, mais en tout cas, il y a des impacts sur notre vie. Et donc, l'Australie n'est pas propriétaire, strictement parlé, de ses propres terres. Voilà, c'est un bien de l'humanité. Et je pense que ce concept-là est en cours de développement. C'est le bien commun, ben, l'eau, voilà, l'eau, l'air, etc. Tous ces concepts-là sont en plein développement. Voilà. Par rapport au Libra, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait une régulation possible, puisque c'était ça qui nous interpellait dans l'invitation, cette menace, quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut y faire. Et alors, démonétiser, c'est juste pour être un tout petit peu taquine, hein. Mais bon, moi je suis d'accord hein, de payer 5 € pour venir ici ce soir et pour soutenir pour. Mais donc, voilà, enfin, quelque part, dire qu'on démonétise tout. Enfin, des choses. Je comprends la logique, mais pratiquement, voilà. Alors, on devrait dire que cette conférence est gratuite ou que on paye plus son eau. Enfin, moi, je veux bien. Mais donc, pratiquement, je voudrais voir un peu comment on pourrait faire. Alors, je prends sur le Libra là. Hein. Donc. La mesure, c'est effectivement, à titre individuel, on peut ne pas utiliser Facebook, on peut ne pas utiliser Libra. Enfin, ça, c'est une mesure tout à fait personnelle. Maintenant, je crois que en ces matières-là, c'est la facilité d'utilisation qui va faire que l'utilisateur va utiliser cette facilité en définitive. Et donc, il y a un risque, c'est simplement de se dire, au fond, pourquoi est-ce que deux personnes qui sont en Europe iraient payer dans une monnaie autre que la leur? Il y a un risque de change, bon, voilà, qui est celui-là. Et donc, simplement faire passer le discours qu'en définitive, rien qu'entre Européens, nous formons communauté européenne. Nous sommes, voilà, c'est pas par hasard, nous formons notre communauté européenne. Le mot communauté, c'est un mot qui a du sens. Et nous avons bon, une monnaie que nous n'avons pas tout à fait choisie, mais enfin, au moins, nous avons celle-là. Et donc, je pense que, déjà, rien qu'en disant simplement, ben, nous, à Facebook, nous voulons payer, nous, dans notre monnaie, parce qu'en définitive, c'est la nôtre, et qu'on n'a pas envie de la vôtre, c'est déjà un message qui est intéressant. Et si on fait passer ce message-là, rien qu'entre nous, sur Facebook, je pense que c'est un message qui pourrait déjà être puissant. Alors, du point de vue réglementaire, ça, c'est à la... évidemment, je crois que la meilleure parade aux monnaies, je dirais, de ces écosystèmes informatiques, ces écosystèmes d'entreprise, ce serait d'avoir une monnaie qui soit mondiale. Le droit de tirage spécial, qui est une monnaie qui est gérée par le FMI, me semble un très bon candidat à une monnaie mondiale qui ne soit pas une monnaie nationale. Aujourd'hui, la monnaie de référence au niveau mondial, c'est le dollar. Il est pourri jusqu'à... voilà, il n'y a pas de monnaie plus pourrie que celle-là. Mais bon, voilà, c'est celle qu'on utilise et que tout le monde veut encore utiliser. Et donc, je pense qu'avoir une alternative avec une monnaie mondiale pour laquelle toutes les monnaies seraient convertibles et qui ne soit pas la propriété d'un État et pas la propriété d'une banque centrale ou de banque commerciale d'un État particulier, je pense que ce serait un élément de solution. Et donc, il faut le promouvoir. Ces DTS, hein, on les appelle, existent depuis... 60 ans, 70 ans, mais ils ne sont absolument pas utilisés ou uniquement dans les cas de sauvetage de pays en difficulté. Voilà, donc c'est un élément de réponse en tout cas. Oui, il est vrai que démonétiser est important pour cette question aussi parce qu'il est logique qu'on essaye d'avoir une monnaie mondiale. Et on a tellement parlé de globalisation de l'économie, globalisation du commerce, mondialisation des entreprises, etc. Il est vrai que l'aboutissement naturel dans le système actuel de globalisation, c'est d'avoir une monnaie globale. Et ce n'est pas étonnant que Facebook essaie de le faire. D'autant plus que désormais, Facebook aussi s'inscrit dans la logique de la privatisation de la monnaie. Il est clair qu'on ne veut pas dire « ma monnaie va devenir aussi une monnaie de réserve à valeur » parce que tout le monde sauterait dessus. Il dit simplement « c'est un moyen de paiement, c'est une mesure de la valeur des choses que vous échangez. Puisque moi, je suis l'instrument, le réseau à travers lequel tout s'échange, bon voilà, faisons la monnaie libre. » Mais, à part la référence déjà faite par André qui dit qu'on ne peut pas avoir une monnaie mondiale qui soit référence de l'expression d'une puissance nationale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons dans un système justement inégalitaire parce que la monnaie internationale a été le dollar et le dollar a exprimé la puissance des États-Unis. Et c'est pour cela que les États-Unis essayent de garder comme toujours le dollar, comme monnaie internationale. Ils disent souvent, mais on n'a pas besoin de monnaie internationale, monnaie mondiale, on l'a déjà, non? Et d'ailleurs, probablement, ils sont un peu, non pas naïfs, ils ne se rendent pas compte qu'un empire va mourir tôt ou tard, parce que les Chinois, dans 50 ans, diront la même chose. S'ils parviennent à imposer le yuan ou autre chose, si ils piquent leur monnaie, parce qu'ils sont économiquement plus forts que les États-Unis. Et c'est ça la grande faute, les dangers que représentent aujourd'hui les États-Unis pour l'économie mondiale. Parce qu'ils ne voudront jamais perdre leur suprématie. Et ils feront des guerres partout. C'est pour cela que personnellement, tout en reconnaissant l'inévitabilité, entre guillemets, du fait qu'on cherchera à créer une monnaie mondiale, moi, je suis un peu sceptique parce que je considère que la monnaie mondiale va devenir une des raisons légitimant toutes les horreurs que nos dirigeants feront au nom de défendre les États-Unis, leur suprématie, les Chinois ou les Indiens ou d'autres pour affirmer leur pouvoir, les Européens y compris. Et ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Parce qu'on voit mal, d'ici 50 ans, avoir toute une série d'institutions qui permettront d'avoir un moyen de paiement et même un moyen de réserve de la valeur qui soit consensuel, qui soit dans l'intérêt de la population mondiale et de la vie de la Terre. À l'heure actuelle, par exemple, puisqu'on a parlé tantôt de lutte contre le réchauffement, le changement climatique, on a estimé qu'il fallait au moins 100 milliards par an de fonds mondial d'investissement pour le climat. Et ces 100 milliards devraient venir surtout, non seulement des pouvoirs politiques, des États, mais des entreprises privées. Mais c'est clair que si on fait ça, si on fera un fonds d'investissement pour sauver la planète, et qui sera dominé par l'intérêt privé, il est clair que la monnaie qui mettra inévitablement, ce sera un fonds de facilité, qu'on l'appellera un fonds de facilité, avec toute une série de techniques très très très complexes, et qui sera la monnaie des dominants. Et alors quoi? On ne fera pas ce qu'il faudrait faire, qu'aujourd'hui empêche par exemple d'avancer dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, c'est d'éliminer les droits d'appropriation privée sur les vivants. Personne n'éliminera les brevets à l'heure actuelle. Et si on n'élimine pas les brevets sur les vivants et sur les algorithmes, il n'y aura pas de possibilité de lutte efficace dans l'intérêt de tout le monde contre les désastres actuel, environnemental et les désastres climatiques. Il n'y a pas. Et d'ailleurs, encore le traité de Paris ne met pas en question, par rapport aux 100 milliards, ne met pas en question l'idée que les États sont propriétaires, ont la souveraineté nationale sur les ressources. La souveraineté nationale sur les ressources signifie que les politiques d'investissement ne pourront être imposées que par les plus puissants. Parce que l'Italie veut bien déclarer qu'elle est propriétaire des ressources de l'Italie, mais si après arrive justement Facebook qui dit le contraire, ben l'Italie se vaporisera immédiatement. Vous m'entendez comme ça? Ma question va revenir à une échelle plus locale. Elle s'adresse peut-être plus à M. Peters, mais M. Petrella aura probablement un avis aussi. Est-ce que l'expérience en Belgique, l'expérience de Newbie, est-ce que vous considérez ça comme une tentative de résister à la privatisation de la monnaie ou de l'économie, ou quel est votre avis par rapport à la création de Newbie dans le contexte qui vient d'être développé maintenant? Oui, donc moi j'en suis, donc je parle à titre tout à fait personnel, je le précise, hein, donc j'en suis tout à fait partisan, évidemment. Je pense que c'est plus une tentative de réappropriation citoyenne qu'une tentative de remise en cause du système. Donc, c'est une coopérative, donc ça vous le savez très bien, et qu'il y a donc, chacun se réapproprie, au fond, une partie du pouvoir via cette organisation institutionnelle coopérative. Donc, on se réapproprie l'outil, mais je ne crois pas que ce soit une remise en cause du fonctionnement global. Et d'ailleurs, je pense que ce ne serait pas possible de remettre en cause globalement le système à partir d'un outil comme celui-là. Il faudrait passer à la révolution, faire des barricades. Mais tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas fort envie de faire des barricades ce soir. Il faut dire que l'hiver revient apparemment aujourd'hui. Donc, je comprends ça très bien. Et donc, voilà, je pense que c'est un pas en avant dans la bonne direction. Ce n'est pas la solution, c'est un élément de solution. Mais qui a cet immense avantage, c'est qu'il permet aux citoyens qui se réapproprient la question monétaire et financière, de faire un travail de réflexion sur, tiens, quel est l'outil que j'utilise? Est-ce que d'avoir un compte chez BNP Paribas ou avoir un compte chez Newbie, c'est la même chose? Si le citoyen qui se pose cette question-là a déjà fait un pas en avant. Et donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Je la soutiens du fond du cœur. Et malheureusement, mon statut professionnel m'empêche d'être coopérateur. Donc, ce qui est absolument scandaleux, d'ailleurs. Je ne peux pas être un coopérateur de ce que j'ai envie. J'ai une question à vous poser à propos de deux éléments dont je n'entends pas parler. D'une part, du fait qu'on doive travailler pour avoir de l'argent, alors qu'on voit qu'il y a des accumulations de valeurs absolument colossales qui forcent l'humanité à devoir continuer à piller la terre. Donc là, il y a peut-être quelque chose à envisager de desserrer, une allocation universelle qui ferait peut-être que tout un chacun serait plus libre. Et deuxièmement, je ne vous entends pas parler de la blockchain, dont on connaît la partie émergée avec le Bitcoin, et qui est une réserve de valeur, à mon sens, pour demain, qui est démocratique, parce que tout un chacun peut prendre un bout de cette réserve qui est reconnue de plus en plus par plein de gens, puisque la monnaie, c'est d'abord une question de confiance. Or, on voit que malgré les institutions en place, qu'elles soient médiatiques, bancaires, le Bitcoin se fait taper dessus et pourtant, il monte. Il monte. Oui. Là, je crois qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de très, très important. Oui, alors soyons clairs, moi, le Bitcoin, c'est du vol. C'est absolument scandaleux. Je ne considère pas ça comme une monnaie. Je ne considère même pas ça comme un actif financier. Je considère ça comme une escroquerie. Donc, ne peuvent accéder, vous pouvez l'acheter, vous pouvez spéculer dessus, ça ne sert absolument à rien. Personne, on ne sait pas qui est l'émetteur de ce truc-là. Et donc, je vous ai dit qu'en matière monétaire, il y a deux questions qui sont essentielles. C'est de savoir qui émet la monnaie et pourquoi elle le fait. Eh bien, répondez à ces questions-là pour le Bitcoin et vous... et donc, je ne crois pas que ce soit... Non, je ne vais pas vous rendre la parole sur ce sujet-là, parce que on ne va pas faire un débat réel sur ce sujet-là. Par contre, la technique... C'est un débat idéologique. Ouais. C'est un débat idéologique. Bien sûr, c'est idéologique, oui. C'est tout à fait clair. Et donc, moi, comme citoyen et démocrate, je considère que ce n'est pas un outil... Alors, que ce soit libre et émis par des gens dans leur coin, effectivement... Par un protocole partagé par tout le monde. Oui, et oui. Et ça, c'est tout à fait différent de la propriété privée. C'est un protocole informatique. Oui, ben alors effectivement... Oui, mais je connais très bien la question. L'argent n'a pas plus de sécurité dans la banque, dans la valeur d'un billet de banque, qui peut être... Je suis d'accord avec vous. On le voit aujourd'hui avec les banques centrales qui approvisionnent les marchés pour pouvoir compenser actuellement l'impossibilité de répondre à la demande d'intérêt du capital. Ouais, d'accord. Et si on accumule ce capital dans une valeur partagée comme le Bitcoin, on échappe à... D'accord. Oui, alors, je vais... Donc, le Bitcoin, c'est quoi? C'est en fait, on pourrait dire, ce sont des jetons qui sont émis par un algorithme, et je dirais cet algorithme a cette caractéristique de pouvoir émettre un nombre fini de jetons. Il va en émettre 100 jetons qui seront en circulation jusqu'à la fin des temps et qui pourront servir de moyen d'échange. Et effectivement, en tant que tel, ce n'est pas mauvais. L'inconvénient, c'est que si vous avez une contrainte en termes de quantité sur la monnaie, vous êtes dans une société qui ne peut plus évoluer, qui n'a pas de capacité ni de croissance ni de décroissance. Donc, vous êtes, on a connu le système de l'or, hein, donc le système monétaire basé sur l'or, qui avait une contrainte qui était une contrainte naturelle, qui avait un certain intérêt, mais qui était une contrainte forte et qu'on a abandonnée. C'est qu'effectivement, votre système social, votre système économique, votre système d'échange, tout ce qui fait que nous vivons ensemble, est limité par cette contrainte du nombre de pièces. En l'occurrence, pour le bitcoin, c'est 100 pièces, et c'est le nombre est fini. Et pour l'or, c'était un nombre fini de pièces d'or qui étaient en disponibilité. Si vous en vouliez plus, hein, vous deviez faire une chose, c'était envahir votre voisin pour lui piquer ses pièces d'or, et donc émettre sa population en esclavage. Et donc, le bitcoin, pour moi, n'est pas une solution, et n'est certainement pas une solution qui a l'intelligence humaine qui fait que, dans une prison, les gens échangent à partir de paquets de cigarettes, parce qu'en fait, ils conviennent entre eux, dans leur communauté, que le paquet de cigarettes est la monnaie locale la plus adéquate. Parce qu'en fait, elle échappe au contrôle du gardien. Un gardien ne pourra jamais vous reprocher d'avoir un paquet de cigarettes dans votre poche. Par contre, il pourra vous reprocher d'avoir de l'argent ou d'autres choses dans la poche. Et donc, la monnaie, c'est aussi, et c'est avant tout, une institution sociale. C'est quelque chose que nous, les humains, avons créé, c'est une convention que nous mettons entre nous. Et effectivement, monsieur a raison, c'est une question de confiance. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de faire confiance dans un algorithme situé, je ne sais pas où, qui a été écrit par je ne sais pas qui, et qui est absolument, voilà, absolument, et dont on se demande bien, au fond, le premier jeton qui a été émis, le premier bitcoin qui a été émis, il a été acheté par qui, à qui il a donné un bénéfice, parce que celui qui l'a vendu, ce bitcoin-là, il a empoché des dollars, hein, ou des euros. Mais ça, il oublie de le dire à un moment donné. Et puis, quand il monte très fort, il empoche de nouveau des dollars et des euros. Et puis, il ne dit pas. Et donc, c'est un outil qui est intéressant du point de vue technique. Philosophiquement, c'est intéressant aussi, parce qu'effectivement, il y a derrière ce discours une éloge de l'anarchie, une éloge du citoyen libre, mais pas du citoyen social, pas du citoyen en société, pas du citoyen qui échange. Et donc, ça, c'est, pour moi, ce n'était pas une solution. Et alors, il y avait un deuxième aspect à la question, il y avait la blockchain, et puis je ne sais plus quelle était la deuxième partie de la question. Non, mais on doit interrompre. Oui, alors, l'allocation universelle. Oui, alors, ça, c'est une question qui est, effectivement, là, je pense que là, on est au cœur du débat, c'est qu'effectivement, la monnaie fait société, elle fait communauté. Et donc, je pense que l'allocation universelle, et je ne pensais pas du tout ça il y a quelques années, mais c'est la réflexion qui m'a amené à ça. C'est un instrument qui est tout à fait pertinent et qui peut nous permettre de répondre à certains défis, et notamment, je pense, aux défis sociaux et aux défis écologiques. Je m'exprime. Le système financier tel qu'il fonctionne aujourd'hui, globalement, c'est quoi? C'est les banques créent de l'argent, donnent du crédit à des entreprises et disent, bon, ben, je reprends mon exemple, elles donnent 100 de crédit. Les entreprises sont censées faire des activités, vendre leurs produits et en fin d'année rembourser le principal plus un intérêt. Donc c'est un peu plus que ça. Oui, attendez, je simplifie, je fais très simple. Il y a les fonds spéculatifs. Oui, mais je pars du modèle de base. Hein, on démarre un crédit de 100 et à la fin d'année 110. Il faut rembourser 110 ou 10% d'intérêt ou 100 ou 5, peu importe. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que la banque ne crée pas cet intérêt. Le montant des intérêts, elle ne le crée pas, elle a prêté 100, et puis il faut rembourser 105. D'où viennent les 105? D'où viennent les 5 complémentaires? Pour avoir les 5 complémentaires, celui qui vend ce produit doit en fait compter sur un autre qui a fait un autre crédit ailleurs chez le banquier, et puis qui a reçu un crédit d'au moins 5 pour pouvoir récupérer les 5. Et donc, la logique de l'intérêt dans le système financier est une logique extrêmement pernicieuse qui a été dénoncée par toutes les religions, hein, à travers toute l'histoire. L'argent ne peut pas créer de l'argent, c'est impossible physiquement. Et donc, cette condamnation qui était en fait justifiée par les églises, par les religions, eh bien, elle prouve mathématiquement qu'elle est impossible à réaliser. Et donc, en fait, ça fait une, cette pression toujours à la croissance, fait une pression à la croissance, parce qu'il faut chaque fois augmenter le nombre de crédits de manière infinie pour pouvoir toujours rembourser les prêts antérieurs. Et je pense que l'allocation universelle peut être une réponse à ça. Parce qu'on pourrait, imaginer un mécanisme de création où on dit, au fond, l'intérêt qui a été demandé par le secteur financier pour pouvoir être remboursé, en fait, pourrait être créé par une institution, appelons ça banque centrale ou n'importe quoi d'autre, et dire, crée exactement le montant de cet intérêt et l'injecte dans la société sous forme d'un revenu universel qui serait en fait le droit du citoyen d'avoir par rapport au fonctionnement du système monétaire global qui est notre bien à tous. On pourrait distribuer le montant des intérêts à l'ensemble des citoyens, qui par le jeu des ventes, etc., reviendrait alors au banquier qui a prêté moyennant un taux d'intérêt. Et donc je pense que ça pourrait faire baisser dans notre société la nécessité d'avoir une société en croissance économique permanente, en acceptant, et alors ça c'est évidemment le truc qui tue, c'est en acceptant qu'il y ait une petite inflation. Et donc ça, le garantier n'aime pas, évidemment. Et donc, dans la logique actuelle, un tel système n'est pas acceptable pour les détenteurs de capitaux parce qu'en définitive, ça dévalorise progressivement le capital en place puisque chaque année, il y a des nouveaux capitaux qui sont des capitaux permanents qui sont créés. Mais je pense qu'effectivement, l'allocation universelle est une très, très bonne... une question vraiment très pertinente pour le futur. Hein. Ce n'est pas pour vous. Il vaut mieux que vous parliez, mais je demanderai après de pouvoir intervenir malgré tout sur l'allocation universelle et sur les monnaies locales. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Michel Rabinovitch et je voulais poser la question concernant la domination de l'argent. Si c'était une drogue, par exemple, si ça commençait peut-être dans, si ça commençait peut-être dans nos propres neurones, est-ce que vous avez entendu parler de Sébastien Moller et du bug humain? Est-ce que cet argent, l'argent, on en veut toujours plus, plus, plus. Il faut produire plus, plus, plus. C'est comme une drogue. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui se passe. Ça se passe peut-être dans notre propre cerveau, voilà, au niveau du striatum. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je ne sais pas qui peut répondre. Qu'il y a sur la même question, parce que ce serait bien pour ne pas répéter. Oui, effectivement, c'est tout ce qui est le principe de plaisir. Hein. Donc, effectivement, c'est l'addiction au plaisir. L'argent, c'est quoi? C'est la reconnaissance, c'est le pouvoir, c'est le plaisir, toujours aller de l'avant, et effectivement, d'avoir toujours plus que son voisin. Voilà, donc il y a un excellent bouquin qui vient de sortir, Homo Biologicus, et je pense qu'effectivement, le bug humain, ce sera le prochain que je vais lire. Effectivement, il y a cette espèce d'addiction. Et comment supprimer cette addiction? C'est une question qui est la démonétisation. Merci. Il y a effectivement toute une théorie sociologique et sociopolitique sur les motivations de l'importance de l'argent. Ce qui est important, parce que ce n'est pas seulement une question technique et économique. Ça nous amènerait loin, mais ma réaction serait de dire... Il y a tout dans ça. Il y a la peur de ne pas avoir l'argent, il y a le problème d'identité, qui suis-je si je n'ai pas d'argent, etc. L'emprise que la monnaie, c'est-à-dire le capital financier, a obtenue sur notre vie est liée du fait de la marchandisation de la vie et les gens ont besoin d'argent pour pouvoir affirmer leur position dans la société. C'est un problème de statut social, d'identité sociale, de sécurité de l'avenir. Au fait, l'équation, me paraît-il, est assez simple, dire, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Et c'est pour cela que le mot, et j'ai insisté déjà beaucoup sur cela, le mot pouvoir d'achat est fondamental dans notre société. Et ça, j'en profite à propos de l'allocation universelle. L'innovation nationale ou pré-universelle au plan du monde est importante et bien parce qu'elle répond à une exigence de dire, quel que soit mon pouvoir d'achat, j'ai la collectivité, dont j'ai fait partie, que j'ai créé, que j'ai construit aussi, j'ai construit la société. La société a l'obligation de me reconnaître le droit à l'existence. La limite de l'allocation universelle, comme aussi du revenu de base, etc., depuis 30 ans qu'on en discute, c'est qu'elle reste, la proposition, elle reste dans le contexte de la monétisation et marchandisation de la vie. Moi, je te donne, par exemple, 800 maintenant euros par mois, je considère que c'est le revenu de base, la société décide ça, bien entendu, elle doit avoir l'argent, donc elle doit mettre des taxes, sinon c'est difficile de savoir d'où elle va donner les 800 euros par mois aux personnes. Pourquoi je te donne ça? Pas parce que je te reconnais que tu es vie, je te donne ça pour que tu aies un pouvoir d'achat. C'est ça qui est extraordinaire dans la conception dominante de l'allocation du revenu de base, du revenu de citoyenneté, etc. Et c'est pour ça que toutes les techniques d'articulation des modèles du revenu de base, du revenu de citoyenneté, etc., se fondent sur qu'est-ce que je te reconnais, quel est le minimum que tu dois avoir dans ton basket d'achat quand tu vas au supermarché. Et d'ailleurs, elle est toujours basée sur les baskets des biens de consommation vitaux de nos citoyens. Et ça, c'est une limite profonde. C'est-à-dire, on ne me donne pas, on ne me reconnaît pas les droits à l'existence. On me reconnaît les droits à avoir un pouvoir d'achat. Et on restera toujours dans cette logique. D'une certaine manière, aussi, les monnaies locales. Moi, j'ai participé en Calabre il y a 30 ans à la création de l'Aspromonte, une monnaie locale, Aspromonte, qui était de dire les habitants de la montagne calabraise, l'Aspromonte, prennent en charge la protection de la forêt. Parce qu'il y avait des incendies, etc., la mafia intervenait. On donne aux citoyens la responsabilité de défendre et protéger la forêt. Et pour cela, alors, on a créé la monnaie Aspromonte, qui était basée sur les activités forestières, sur les activités agricoles, etc. C'est une monnaie, effectivement, qui répondait à pas mal de bonnes choses. À d'abord, sensibiliser les habitants d'une région à prendre la responsabilité de leur bien collectif. C'était affirmer que la forêt est un bien commun et dont il fallait pas qu'il ne fallait pas monétiser, mais que chacun le considérait comme une sorte de troc que chaque habitant de la région voyait les produits forestiers et autres, et ensuite effectivement permettait d'alimenter toutes des activités locales visant à protéger la forêt qui n'était pas prévu au contraire par une politique nationale de développement régional, etc., etc. Et en effet, ça a fonctionné comme ça. Et les incendies sont disparus. Il n'y avait plus tellement d'incendies en Calabre. C'est-à-dire, c'est important de dire que les monnaies locales peuvent être un instrument de prise en charge des problèmes communs, des biens communs par les populations intéressées. Où sont les limites des monnaies locales? Les limites des monnaies locales, c'est qu'elles ne sont pas après des instruments de définition de la valeur pour la collectivité, parce qu'elles dépendent toujours de l'autorisation des banques centrales qui disent que tu peux émettre en circulation ces papiers à condition que tu ne dépasses pas, par exemple, c'était dans notre cas, en Italie, j'ai 5 000 euros, etc. Donc, c'est l'État, c'est cette espèce de réalité marginale qui s'accroche à la baleine, quoi. C'est les crustacés qui vont sur la baleine. Mais la baleine va où elle veut, elle ne veut pas, et ces petits crustacés ne peuvent pas faire grand-chose. La baleine ne sait même pas qu'il y a ces petits crustacés qui se développent sur sa peau, quoi. Et donc, c'est un peu ça que, et nous revenons, c'est dont André parlait tout à l'heure, qu'on ne peut pas, au fond, changer les systèmes. Là, si tu me permets, je ne suis pas tellement d'accord. Dans le sens qu'on ne reconquête pas l'autonomie, on ne reconquête pas la capacité d'être décideur dans nos sociétés si on est, on est, on n'élimine pas, on ne détruit pas les principes fondateurs du système actuel, qui sont anti-autonomie, qui sont despotiques. Le système actuel financier est despotique. Si on n'élimine pas les principes sur lesquels ce système financier est basé, il n'y aura pas de démocratie. Et donc, il faut avoir ce courage de dire que nous sommes un tournant de l'histoire où l'affirmation de l'humanité des êtres humains passe par la destruction du système sociétal qu'ils ont construit. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que les banques centrales nous autorisent à avoir les monnaies locales. Aux États-Unis, il y a 7000 monnaies locales. C'est le pays où s'est développé davantage. 7000. Qu'est-ce que ça a changé? Je ne dis pas qu'ils ont créé Trump, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les monnaies locales qui ont créé Trump. Enfin, disons, mais ils n'ont pas empêché que Trump soit là. Donc, 7000 monnaies locales aux États-Unis qui sont volatiles, ils durent 2 ans, ça dépend du promoteur. Ça n'est pas ceci. Donc, ce n'est pas une réponse structurelle. On vient de dire que nos problèmes actuels sont structurels. Ils ne sont pas conjoncturels. Ce n'est pas un problème de liquidité, ce n'est pas un problème d'adaptation entre la demande et l'offre des monnaies. Les monnaies locales sont très importantes pour toute une série de petites choses, mais ce n'est pas la solution vers laquelle il faut. Mais il faut changer. Il faut changer d'avis. Est-ce que vous ne pensez pas que la bourse était une bonne chose au départ quand c'était un outil? Le problème, c'est que c'est devenu un produit, des produits machins, produits dérivés, etc. Et que tout s'est détérioré à partir de ce moment-là. Juste pour les crypto-monnaies, on oublie une chose, les crypto-monnaies sont énormément énergivores et consomment l'énergie de la planète. Parce que pour maintenir ces systèmes, les ordinateurs bouffent beaucoup. Oui, alors sur la bourse, je dirais que c'est un outil, on en fait ce qu'on veut, effectivement, il a atteint des limites complètement folles. Bon, maintenant, c'est un outil, voilà, c'est pas... disons que c'est devenu un produit, je pense, à partir des années, comme tu dis, là, il y a 40 ans, les années 70, où en définitive, les années 70, ça correspond quoi? Au début de la financiarisation du monde. C'est l'époque où aux États-Unis, on a empêché les gens qui se constituaient des retraites d'acheter des actions de leur propre entreprise. L'idée de départ, c'était de dire, diversifiez, vous qui avez un capital chez General Electric, par exemple, si General Electric fait faillite, vous n'aurez pas de retraite. Donc, diversifiez votre retraite en l'investissant sur le marché financier, donc en bourse, et acheter des actions de différentes entreprises, parce que si vous êtes diversifié, vous aurez plus de sécurité et probablement un meilleur rendement. Et puis, ça démarre dans les années 70, on commence à se faire des pensions. Et alors, on a un phénomène qui se développe assez rapidement, c'est qu'en définitive, d'abord, il y a un biais terrible, c'est qu'en fait, comme on a tout le monde, tous ceux qui se constituent de retraite investissent en bourse, seules les entreprises qui sont sur le marché financier bénéficient de ces moyens financiers. Les autres entreprises qui ne sont pas en bourse ne bénéficient pas de ces moyens financiers. Et donc ont un désavantage compétitif en matière de financement. Et donc, il y a uniquement ces entreprises-là. Et le jour d'ailleurs où tout le monde ira à la retraite, je pense que un certain nombre de cours de bourse risquent de diminuer par ce phénomène-là. Uniquement. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, ce phénomène s'est mondialisé. C'est qu'en définitive, les autres pays qui étaient en compétition avec les États-Unis ont dû progressivement se financiariser aussi, puisque les entreprises américaines bénéficiant des fonds de pension et d'une source de financement étaient plus compétitives que les autres. Et donc, ce qu'il a fallu faire, c'est mettre de proche en proche au Royaume-Uni un système de retraite par capitalisation aussi, où donc chacun pouvait commencer à faire sa propre retraite en bourse. Et de proche en proche, ce système a gagné la planète entière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement financiarisé à partir d'une réflexion qui, au départ, n'est pas une mauvaise réflexion. C'est-à-dire aux ouvriers, n'investissez pas toute votre épargne dans votre propre entreprise, diversifiez vos placements. Et donc là, le biais qu'on a oublié de dire, c'est qu'effectivement, il ne s'était pas uniquement à les mettre en bourse. Ce qu'il fallait faire, c'était l'investir dans l'économie complète, y compris dans les PME locales. Mais donc là, c'est le biais initial de la financiarisation du monde. Et alors, effectivement, aujourd'hui, on en est dans des dérives colossales, où en définitive, aujourd'hui, nous allons cotiser pour notre retraite. Le fonds de pension, on va exiger de notre entreprise qu'elle soit plus rentable et on va se faire licencier pour avoir une meilleure retraite. Voilà. Et puis en fait, on se rendra pas compte qu'elle aura disparu. Mais bon, voilà, la situation est là aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la démonétisation, c'est aussi la définanciarisation et probablement le fait de dire que les retraites sur des régimes de capitalisation ne sont pas acceptables. Seuls les régimes de retraite par répartition sont des régimes qui permettent effectivement de démonétiser, de définanciariser et d'avoir et de souffler un petit peu. Bon. D'autant que c'est d'autant que ces fonds de pension, c'est une course systématiquement au rendement. Et donc quoi, à la croissance et à l'exploitation de la terre, l'exploitation des ouvriers, des employés. Voilà. Non, juste une anecdote pour rendre un peu plus joyeuse notre rencontre. Il y a 2 ans, les propriétaires du capital de l'entreprise qui gère l'aéroport de Zaventem a changé. Le principal actionnaire de la société de gestion de l'aéroport de Zaventem était un fonds de pension des enseignants du degré secondaire de la ville de Toronto. Et c'est maintenant une société financière australienne qui a remplacé les fonds de pension. Est-ce que vous pouvez me répondre à la question, mais qu'est-ce qu'ils savaient les pensionnés de l'école supérieure ou secondaire de Toronto qui étaient propriétaires à 33% du capital actionnaire? Pourquoi les pensionnés de Toronto devaient gérer l'aéroport de Zaventem? Extraordinaire. Est-ce que vous ne croyez pas que le seul changement radical pour demain, c'est de passer d'une société d'argent à une société de dons et de mettre tout en œuvre dans l'économie, d'avoir une économie de partage, d'usage, mais en regardant tous vers le don? Et en commençant par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des échanges et du troc, on donne. On donne et puis ça nous vient. Et je crois que c'est le seul changement, c'est de regarder d'abord très loin et c'est changer la tête, comme vous disiez. Plus être dans l'échange, être dans le don. Et si on pense don, on change tout. Non, je pose la question pour vous, mais moi c'est une évidence. Je crois que je partage entièrement ce que vous dites. Notamment sur votre dernier mot que vous avez utilisé, les dons. En fait, la question monétaire, comme la question économique, la question sociale de notre temps, nous pousse à réfléchir de manière sérieuse et rigoureuse sur le fait pourquoi avons-nous abandonné dans nos pratiques comme dans nos valeurs les principes de la gratuité de la vie. Pourquoi nous n'acceptons plus qu'il y ait des choses gratuites? On a expulsé de notre culture collective le principe de gratuité. Sauf pour faire intervenir après des concepts religieux, Dieu, qui donne, etc., la gratuité. Mais la gratuité n'est pas élément critique et déterminant des pratiques collectives, sociales, économiques, politiques, communes. Ne fait pas partie. Et pourtant, la vie est gratuite. Hein? Vous n'avez pas fait les éléphants, j'imagine. Vous n'avez pas fait les arbres de la forêt de l'Amazonie. Vous n'avez pas fait les 7 milliards de gens. Même si on a un petit contribué. Peu. Mais la vie est gratuite. Pourquoi l'économie, la science économique, pourquoi la science économique n'a... il y a une explication, c'est-à-dire que la science économique, à partir de la fin du 19e siècle, c'était vers 1870 et ensuite, s'est muée en faveur de la théorie fondamentale que l'économie, c'était les règles à travers lesquelles on définissait l'utilité de la vie. C'était le concept d'utilité. Et c'est pour cela, une utilité, il fallait introduire tout ce qu'on a fait pour la marchandise. Pensez que la privatisation de tous les services publics a commencé surtout, bon, dans la perspective maintenant de notre raisonnement, aux États-Unis, qui appelait par exemple la distribution de l'eau, des gaz, etc. Rappelez-vous Monopoly, hein, les jeux Monopoly, qui appelait ça public utilities. C'est la première fois que les États-Unis qui ont donné une autre appellation à ce que nous appelions les services publics. Sont devenus des utilités publiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne vit que dans nos villes, dans nos villages, à travers des distributeurs de services publics qui sont appelés multi-utilities. Suez, Veolia, sont des multi-utilities. Extraordinaire. Comment voulez-vous, dans cette société qui a inventé tout ça, donner de l'importance à la gratuité? C'est important, ça. Pour continuer sur cette question-là, il y a un livre qui m'a fort impressionné, c'est le livre de David Graeber, « 5000 ans de dette ». C'est un anthropologue et qui fait une histoire de l'humanité, 5000 ans, c'est pas mal. Et en fait, faire société, c'est faire dette. C'est le lien que j'ai à l'autre, c'est un lien de reconnaissance, mais c'est un lien de don, ça peut être un lien de don, mais le don implique le contre-don. C'est Malinowski, un anthropologue du 19e siècle, qui avait étudié ça. Et donc, en fait, l'échange, on n'accepte pas l'échange unilatéral. Parce qu'en fait, donner sans avoir quelque part une idée de recevoir en retour, c'est en fait acquérir un pouvoir sur l'autre. C'est, Napoléon disait, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et donc donner, c'est aussi un rapport de force. Et donc, c'est un peu la négation de l'échange, disons. Et donc, et c'est pour ça que Malinowski disait ça dans son bouquin Anthropologie, je ne sais plus, c'était la société que c'était. Voilà, donc en fait, tout don implique un contre-don. Donc, c'est cette notion d'échange qui est importante. Et dans cette notion d'échange, effectivement, la monnaie est devenue un moyen de rationaliser ça. Hein, je ne parle pas de troc, hein, est devenu un moyen dans nos sociétés monétarisées de rationaliser ça avec une hyper-rationalisation qui va beaucoup trop loin, c'est qu'en définitive, la monnaie est devenue un objet qui est tout à fait autonome, objet de désir, objet de pouvoir, objet de... C'est l'idolâtrie, c'est le veau d'or, on a envie tous de l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de décider de la vie de l'autre, c'est... voilà, c'est... les économistes ne soulignent pas ça. C'est ce que je reproche, moi, aux économistes de manière générale, c'est qu'effectivement, ils font les trois fonctions. Ils ne voient pas la première fonction de la monnaie, c'est une fonction de pouvoir. C'est de dire, je suis plus fort que toi parce que j'ai de l'argent et tu n'en as pas. Et que donc, je peux exiger de toi que tu balayes mon trottoir, que tu aies ma maison, que tu fasses ceci, que tu me rendes un service. Et donc c'est une question très intéressante, la question du don. Et lisez ce livre, c'est vraiment un livre tout à fait passionnant, c'est donc 5000 ans de dette, et il souligne d'ailleurs que le mot dette en irlandais ou en allemand, c'est schuld, mais le mot faute, c'est exactement le même mot. Et donc, dans la pensée germanique, la pensée allemande, donc avoir des dettes, c'est être en faute. Et donc, par rapport au français, il n'a pas du tout cette même relation à ce vocabulaire-là. On est dans des imaginaires différents. Et donc, tout ce qui est cet échange, l'organisation de l'échange entre nous, hein, donc, via la monnaie, c'est l'objet de tellement de pensées philosophiques, de pensées morales. Il y a là, c'est une histoire qui est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me définis comme sociologue de la monnaie et que je vois que mon objet d'étude, il est... Absolument infini. Attends, juste un indicateur par rapport pour aller dans le sens que André vient de dire. En 1960, on classifiait l'importance des entreprises en fonction de leur emploi. l'entreprise la plus grande est celle qui avait plus d'emplois, créateur d'emplois. Dans les années 80, les classements ont changé, les critères. La plus grande entreprise est celle qui avait le plus grand chiffre d'affaires. Eh bien, maintenant, depuis 10 ans, vous savez quel est l'indicateur des classements. Les entreprises sont classées, sont grandes en fonction de leur capitalisation. Extraordinaire. Oui, donc on a beaucoup évoqué les politiques économiques et financières avec la rapacité d'une minorité qui sont en train de foutre tout par terre. Et pourtant, vous avez oublié une donnée essentielle, à savoir les lois de la physique. C'est que toute cette économie de marché repose sur les ressources non renouvelables de la planète qui seront en train d'être épuisées à une vitesse complètement folle, ce qui fait que nos générations futures n'auront plus rien et qui devront se contenter des seules ressources que peut fournir réellement l'agriculture et donc les ressources renouvelables qui sont infinitésimales par rapport aux ressources qui sont les coffres-forts de la nature que nous sommes en train d'épuiser en l'espace de 300 ans. Et que, bien entendu, quand on va arriver aux dernières gouttes, de manière de parler, ce sont les armes qui vont parler, donc les armes, les guerres. Si l'armée américaine est 10 fois plus puissante que la deuxième armée suivante, ce n'est pas par hasard. Si on les voit intervenir au Venezuela, au Moyen-Orient, ce n'est pas par hasard. Ils veulent mettre des GI partout, il y a des ressources, considérant que ça leur appartient et les autres, on va les buter. Ça, c'est la réalité. Vous avez parlé de démocratie. Ça me fait rire parce que pendant tous vos plaidoyers, vous avez démontré exactement l'inverse, que tout a été décidé dans notre dos, qu'on n'a absolument rien à dire. Donc la question n'est plus du tout de faire l'inventaire de tous les problèmes qui vont tomber sur la gueule, et certainement nos enfants et petits-enfants, mais se dire comment on fait pour changer le système. Est-ce qu'on utilise les armes? Est-ce qu'on met le feu au Parlement? Est-ce qu'on bute les politiques? Mais ils sont tellement nombreux à vouloir prendre la place que ça ne sert à rien. Ou alors on s'en prend aux juges internationaux qui n'enferme ni Bush, ni Colin Powell, ni Tony Blair, pour avoir fait la guerre en Irak, se repose sur des mensonges. Parce que tout le problème est là. Tant qu'il n'y a pas de justice, et c'est ce que réclamaient les Gilets jaunes, nous voulons la justice sociale et fiscale, elle ne repose que sur la justice. Et les juges ne font pas leur boulot. Ils sont même carrément, on le voit dans l'enfermement rapide des Gilets jaunes, ils sont queue et chemise avec le pouvoir. La question que je pose, c'est de dire comment on fait pour changer le système. Parce que constamment, moi je vais régulièrement à des conférences comme ici, et je crois que c'est beaucoup de gens qui sont ici aussi, puisqu'ils sont très informés, on fait tous le constat. Mais comment fait-on basculer le système? C'est la seule chose qui se compte maintenant. C'est comment fait-on? De deux choses l'une, où on croit dans ce qui... Enfin, c'est pas tellement qu'on croit, mais on a un système qui est celui qui est là. On joue avec ses règles, on joue dans ce système-là pour changer les règles, ou on fait la révolution. Moi, ce soir, je ne suis pas sûr que je n'ai pas entendu des bruits de révolution. Et donc, j'entends bien, c'est un discours, j'entends ce discours, je le partage, je le comprends. Je partage le même constat que vous. Mais je ne crois pas qu'on ira à la révolution que le jour où on aura faim. Et les Gilets jaunes, s'ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils ont faim. Ce qui s'est passé, le printemps arabe, les gens étaient dans la rue parce qu'ils avaient faim. Le prix du blé avait augmenté, avait fait quoi 3, mais les gens ne savaient plus s'acheter de blé en Égypte ou dans les pays arabes. Et la révolution vient de là. 1789, c'est la révolution a eu lieu, l'année qui a suivi les mauvaises récoltes. Les gens demandaient du pain, et bien il n'y avait pas de pain, et donc ils se sont révoltés à partir de ce moment-là. Et donc aujourd'hui, notre niveau de vie m'incite que tous, soyons clairs, tous ceux qui sont dans la salle ici, nous avons tous individuellement un niveau de vie qui est supérieur à celui de Louis XVI. Nous avons l'équivalent de 300 à 400 esclaves énergétiques à notre disposition chacun. Si on a envie de voir les troubadours, on appuie sur un bouton, on voit les troubadours à la télévision. Si on n'a pas envie de les voir, on veut bien les écouter, on appuie la radio et les troubadours continuent à jouer pour nous. Si on a envie d'une douche chaude, on la prend et on est tous habillés, mais comme des rois et comme des reines. Et donc, je pense que le jour où on ira dans la rue, le jour où on sera peut-être un peu moins habillé, qu'on aura un peu plus faim. Mais donc, en attendant, je ne pense pas que... Voilà. Et donc, dans l'alternative, c'est quoi? C'est jouer avec les règles actuelles. Et donc, les règles actuelles, c'est quoi? C'est le droit de vote. C'est effectivement le droit de se rassembler, de faire des programmes politiques. Et voilà. Et pour moi, j'ai décidé de faire ma part du boulot en disant, ben, je vais informer la population sur la possibilité d'instaurer une démocratie monétaire. Et donc, j'organise des séminaires, etc., sur ce sujet-là. J'essaye de faire ma part du colibri, là, puisque vous prenez un langage plus écologique. Bon, voilà. On peut changer les systèmes. Non. Alors, par exemple, du point de vue du système financier, il faut déclarer illégaux les paradis fiscaux. Il faut mettre en prison les gens qui utilisent les paradis fiscaux. À partir des États qui légalisent les paradis fiscaux. Pourquoi on n'élimine pas les paradis fiscaux ? Mais la Belgique en est un. Oui, bon, les NIACA, moi je n'aime pas. Bon, voilà. Secondo, il faut éliminer les produits dérivés. Les produits dérivés, on a dit, même Financial Times a dit que les produits dérivés sont la sangsue de l'économie mondiale. Il faut éliminer les produits dérivés. Et tous nos problèmes sont basés sur le fait qu'il y a des produits dérivés. Mais il n'y a pas un seul programme politique qui parle de la suppression des produits dérivés. Hein. Parce que d'abord, au PTB, ils ne savent pas que ça existe. Oui, et puis, oui mais enfin, mais les produits dérivés, désormais, constituent... Oui, c'est un poison, hein, je suis d'accord. Ça constitue les systèmes financiers dominants. Donc, il ne fût que faire valoir le droit. Le droit, il ne peut pas exister des paradis fiscaux dans le monde. Sur la Terre appartient à tous les habitants de la Terre. On est là, la communauté mondiale. La communauté mondiale ne peut pas accepter les paradis fiscaux. Comment ? Mais comment ? Alors, c'est la bataille politique. Monsieur Petrel. Et donc, c'est la démocratie, voilà. Excusez-moi. Si on reste assis sous son fauteuil, on ne fera rien. Donc, la bataille politique est l'une des expressions les plus fortes de la citoyenneté. Pourquoi la Banque centrale européenne doit rester politiquement indépendante de toutes les autres institutions européennes. Battons-nous. Nous sommes des citoyens européens. On a un Parlement européen limité ou fort, peu importe. Pourquoi acceptons-nous que la situation reste comme ça ? Monsieur Petrella, on discute de maintenant la nouvelle commission. Si vous étiez président de la Banque centrale européenne, on voudrait qu'elle soit indépendante. Si vous étiez président de la Banque centrale européenne, on voudrait qu'elle soit indépendante des pouvoirs politiques actuels. Donc, oui, je me battrai là pour l'indépendance de la politique. Je ne suis pas président de la Banque centrale européenne, parce que sinon vous seriez condamné. Oui. Non, pas fait. Donc, mais la Banque centrale européenne ne peut pas rester indépendante, parce qu'accepter les principes de l'indépendance politique de la Banque centrale européenne signifie que l'Union européenne n'est pas démocratique. Absolument. N'est pas juste. Alors, écoutez, un petit exemple que vous devriez réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, en France, des milliers de médecins ont dit, nous, on arrête, on fait la grève de notre fonction parce que cet État ne donne pas les moyens à une politique médicale. Le jour où les députés en Wallonie, en Flandre, au Parlement européen diront... Nous remettons notre mandat, on ne veut plus être député tant qu'il y a des paradis fiscaux, là il y aura une pression. Mais donc la question, c'est d'acculer maintenant ces gens qui ont dit qu'ils voulaient défendre le bien commun en étant députés, à enfin entreprendre une mesure radicale dans leur vie. Et quatrième, c'était la remunicipalisation, la républicisation des services locaux public d'intérêt vitaux pour les habitants de la Terre. Pourquoi faut-il maintenir la privatisation de l'eau, de l'école, des jardins d'enfants, des bacs de sable pour les jardins publics ? Pourquoi faut-il privatiser les bacs à sable ? Oui, ça, c'est le quoi et le comment. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question. Je viens de faire 200 km juste pour vous écouter. Et c'est très intéressant tout ce que vous dites. Et toutes les questions sont très intéressantes. Mais je suis venu parce que le titre, c'était la domination. On a parlé de la domination, on a parlé de plein de choses, de dons. Par contre, qui sont les dominants ? Je voudrais votre avis là-dessus. Les dominants, ce sont les personnes qui ont la propriété du capital. D'accord ? Ou ce sont les personnes aujourd'hui, parce que le capital justement est quelque chose qui fluctue, ce sont les personnes qui aujourd'hui ont la responsabilité d'affecter le capital. Aujourd'hui, on parlait des gilets jaunes. Les gilets jaunes ont été, contrairement à 1789 où on allait à la Bastille, à Versailles, machin, ils ont été faire la grève, ils ont été planter des poteaux dans le siège de BlackRock. BlackRock, maintenant tout le monde connaît, BlackRock, Vanguard, State Street, tout le monde connaît ces gens-là. Ces gens-là, je m'appelle Larry Fink, je suis PDG de BlackRock. Je suis pas, j'ai pas beaucoup de capitaux à moi. Enfin, j'ai peut-être mon petit milliard, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Par rapport à des Jeff Bezos, par rapport à des Mark Zuckerberg, j'ai rien, j'ai pas de capital. Par contre, je peux affecter 5 000 milliards, 6 000 milliards, je peux influencer l'affectation de 15 000 milliards. C'est bien la preuve qu'un Macron, une Merkel, ils arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, et c'est vrai, on le sait aujourd'hui, ils invitent ces gens-là, ils discutent avec ces gens-là, parce que ces gens-là ont le pouvoir, non pas la propriété du capital, mais ont le pouvoir d'affecter ces ressources qui vont, le seul vrai pouvoir, qui vont évaluer notre vie. Tous les biens, tous les services que nous allons faire, si aujourd'hui je suis payé ce que je suis payé, si vous avez l'eau au prix que vous l'avez devant vous, c'est parce que M. Larry Fink a décidé du prix de l'eau, indirectement, mais parce qu'ils ont ce pouvoir. Donc aujourd'hui, les dominants, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est des couillons comme les Jeff Bezos là, ou des Mark Zuckerberg qui sont des gamins et qui jouent avec des... Donc quel est votre avis ? Le mien est déjà fait, mais vous, votre avis, c'est quoi ? Est-ce qu'on doit lutter, est-ce qu'on peut lutter contre ces Larry Fink et ses autres camarades de classe ? Vous personnalisez trop, moi je suis un dominant dissident. Non, il y a des évêques qui sont pas orthodoxes, donc il y a des dominants dissidents. Alors, à part ça, la légitimité du pouvoir de décision, en principe, pourrait être basée sur le fait de la représentativité. Donc, dans nos sociétés, les pouvoirs de décision, on te donne le pouvoir donc, dominant de décider sur l'allocation des ressources et fixer les règles. Pendant un certain temps, nous étions vers une certaine démocratisation parce qu'on était représentatif. Et le Parlement a été l'ingéniosité de dire comment est-ce qu'on fait qu'un peuple soit représenté. Et on a inventé la démocratie représentative. On a essayé de faire un peu de démocratie directe, ça n'a pas marché. Nous, en Italie, on a eu le référendum qui a eu 27 millions d'Italiens sont allés, fallait publiciser, républiciser ou pas l'eau. La 93% de ceux qui ont participé au référendum ont dit il faut républiciser. Le système dominant n'a pas républiciser. Et donc, c'est la rébellion de la réactionnaire terrible, non ? Où on nie, on a dit, les dominants italiens ont dit aux Italiens, toi, tu as voté, tu as maintenant la majorité, il fallait l'appliquer. Nous ne voulons pas appliquer ce que tu nous as proposé. Ça, c'est un coup d'État. Et en effet, nous avons subi, en Europe comme ailleurs, une série de coups d'État contre la démocratie. La création de l'euro est un coup d'État contre la démocratie. C'est pour ça qu'il faut accepter les raisons qui ont créé l'euro, parce que si on accepte les raisons qui ont créé l'euro, on accepte le coup d'État que l'euro représente. On peut continuer. Et maintenant, par exemple, que la Commission proposait dans 2 ans de faire une grande conférence européenne pour redéfinir le futur de l'Europe, et dans les documents déjà en circulation, ils ne mettent en question aucun des principes sur lesquels est basée aujourd'hui l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme modification ? Rien. Et nous, Européens, quand on parle que les changements commencent par nous, quand on pense que les citoyens disent que les citoyens doivent récupérer la situation, qu'est-ce qu'on va faire, nous, contre cette conférence européenne ? Alors qu'on sait qu'ils ne changeront rien, qu'ils seront des guépardiens où tout va changer pour rien qu'un échange. Et ce n'est pas une boutade, il sera comme ça. Si nous, citoyens, effectivement, on ne lutte pas et on ne demande pas que la Banque centrale reste indépendante, il faut demander qu'elle ne soit plus indépendante. Il faut demander pourquoi ta Banque centrale, quand il y avait Draghi, pourquoi tu as toujours dit que la Banque centrale a le rôle de participer à maintenir la stabilité des prix. Mais ce n'est pas nous qui définirons le taux d'escompte, le taux d'intérêt bancaire. Il a dit, parce que la Banque centrale ne fera qu'intervenir en réaction au marché. C'est le marché qui définit les prix de la monnaie. Mais alors où est le politique si c'est les marchés qui définissent les prix de la monnaie? Est-ce qu'on va changer ça? Et ça, on peut le changer à travers la bataille. La bataille politique, la bataille culturelle. Et il faut insister, insister. Il faut essayer de combattre grâce justement à une autre presse. Parce que c'est là, la presse ne va maintenant déjà raconter quelle chance énorme que les Européens vont avoir une nouvelle conférence européenne. Ah, cette commission nouvelle est fantastique, etc. Et la presse ne fait que répéter tout ça. Et c'est vrai qu'alors les gens comme nous bon, acceptent. Ils ne voient même pas de problème. Au contraire, ils voient des perspectives fantastiques. Je crois que notre ami, monsieur là, a droit oui. finalement, et, parce qu'il s'est fatigué. Moi aussi, j'avais une question ici. Il mérite la parole. Oui, moi j'ai une question, micro, j'ai une là, question ici au-dessus, si c'est possible. Ça fait un petit temps que j'attends. Oui, d'accord. Alors, ma question, c'est revenir un peu sur le... on a parlé de l'Égypte. Et donc, c'était un système qui a marché pendant super longtemps. Donc, moi, je suis pour que... On revient à un système qui marche pendant super longtemps, mais s'inspirer d'un système qui soit quand même plus efficace, parce que s'échanger des grains de blé, c'est pas très efficace, donc il y a sûrement d'autres manières de faire, mais ce que j'ai compris de ce système-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur une ressource qui est périssable. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il existe d'autres monnaies qui se baseraient sur des ressources périssables, ou alors qui diminuent dans le temps? J'ai entendu parler des monnaies fondantes. Donc ça, oui. Ce serait un aspect dont j'aimerais bien qu'on parle. Et un autre aspect, c'est, j'ai aussi entendu parler du Terra, qui est un projet soutenu par Bernard Lietard, donc un économiste belge. Et oui, je voulais savoir, enfin, qui était basé un petit peu sur le pétrole, un petit peu sur des biens de commodité comme les céréales aussi, des choses comme ça. Et du coup, qui serait beaucoup plus fixe au niveau mondial. Bon, après, il y a peut-être un risque, du coup, vu que c'est fixe, ça revienne un peu comme le Bitcoin. Mais si on y met dedans tous les trucs périssables, est-ce que c'est pas justement plus intéressant? Et est-ce qu'on peut essayer d'imiter un peu ce que les Égyptiens avaient réussi à bien faire? Oui, je pense que... Allez-y. Oui, donc, oui, c'est la question de tout à l'heure et la vôtre sont étroitement liées. Hein. Donc, c'est dire au fond, comment fait-on pour avoir un système monétaire qui nous garantisse de bien vivre ensemble, mais qui respecte la contrainte écologique? Et donc, ça, il y a des conceptions qui existent. Le Terra, mais il y a d'autres conceptions, et notamment une conception que moi j'aime bien, c'est le concept de monnaie vectorielle. C'est qu'en définitive, on ne peut pas imaginer de mesurer le monde avec un mètre. Si vous voulez mesurer une hauteur ou une largeur, un mètre, c'est suffisant. Si vous voulez mesurer un volume, c'est déjà plus compliqué. Mais si vous voulez mesurer la température, un mètre, ça ne va pas. Si vous voulez mesurer le poids, ça ne va pas non plus. Or, la monnaie, c'est ça. C'est quoi? C'est un mètre qui sert à mesurer tout. Et donc, c'était en fait, comment faire, la question à dire, comment faire pour mesurer des choses qui sont incommensurables? Donc, comment faire pour avoir dans notre système d'échange quelque chose qui va respecter à la fois l'humain et respecter la contrainte écologique? Et donc, il y a ce qu'on appelle des monnaies vectorielles, où en définitive, lorsque vous allez... L'idée, c'est de dire... Quand vous payez quelque chose, vous avez un vecteur qui est le paiement du travail, par exemple, et un autre vecteur qui est le vecteur de l'énergie. Alors, c'est très simple. Si on imagine qu'on veut faire en Belgique, on veut mettre sur une année, émettre 100 tonnes de CO2. On divise ces 100 tonnes, et pas plus, on divise ces 100 tonnes de CO2 en nombre de personnes. Chacun reçoit une petite partie, un quota de CO2. C'est l'équivalent d'une allocation universelle. Et ça, c'est la monnaie qui vous permettra d'acheter le CO2 que toutes les entreprises qui vont produire vont devoir utiliser pour faire des meubles, enfin, des vêtements, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, en définitive, ces entreprises, pour pouvoir produire, devra avoir cet argent, enfin, ce vecteur, cette monnaie en CO2, ces quotas. Et donc, en fait, on peut imaginer un système de crédit assez simple, comme de la monnaie en définitive, mais qui soit appliqué, alors réparti initialement entre tous et qui soit dépensé progressivement pour les entreprises. Donc, il y aurait alors une monnaie vectorielle avec deux vecteurs. Un vecteur qui représente le CO2 Et donc chacun reçoit une partie. Et puis l'autre vecteur, c'est payer en euros. Et donc chaque chose aurait alors, il suffit d'avoir une comptabilité matière un peu organisée, chaque objet, chaque service aurait alors un prix qui serait par exemple de 10 euros et 3 quotas de CO2. Et donc là, on a un système qui alors permet de garantir un système à la fois libéral, hein, chacun dépense ce qu'il veut, il n'y a pas besoin d'avoir un État pour planifier les produits, etc., pour les uns et pour les autres. C'est donc un système libre où chacun peut acheter les produits qu'il a envie, mais la contrainte environnementale est respectée. C'est une façon de faire. C'est-à-dire, sur le monde financier, le monde financier bouge très, très vite actuellement. Donc, toute la problématique des green bonds, tout ce qui est de la finance verte. Alors, il y a beaucoup de greenwashing, mais je sens le mouvement depuis quelques mois s'est occupé à se modifier de façon fondamentale. Et tous ces fonds de placement, etc., aujourd'hui, ils veulent avoir pouvoir investir dans des entreprises qui sont durables et qui respectent la contrainte écologique. Parce qu'en définitive, le premier risque des changements climatiques, assez paradoxalement, c'est le risque financier. Regardez l'Australie. Le secteur du tourisme s'est écroulé en moins de 2 mois. Plus personne ne va aller en Australie, hein, il n'y a plus rien à voir, donc tout est brûlé. Et donc, en fait, le risque climatique, c'est avant tout un risque financier. Et ça, aujourd'hui, les financiers l'ont bien compris. Et donc, ils sont occupés à avoir la taxonomie européenne sur les produits verts, les produits bruns, etc. Tout ça se met en place assez rapidement. Les réflexions sont en plein développement. Et la Commission européenne, avec la déclaration du 11 décembre de Mme von der Leyen sur la transition, est quelque chose qui est une déclaration qui est intéressante. Je ne dis pas que c'est la solution, mais de mon point de vue, la Commission a fait un retournement à 180 degrés. C'est-à-dire qu'elle a décidé, donc sa déclaration politique fait 28 pages. C'est assez facile à lire. Je vous invite à aller sur le site de la Commission pour la lire. C'est dans toutes les langues en plus. Et donc la Commission a dit que dorénavant, toutes les politiques qu'elle mènerait seraient assujetties au respect de la contrainte de la transition écologique, de la transition énergétique plutôt dans son cas, pas tellement écologique, la transition énergétique. Et donc là, sans le dire officiellement, ce qu'on voit, c'est que la pensée libérale classique du 19e siècle a complètement permuté, mais ils ne vont pas le dire. Et donc aujourd'hui, ils disent que la contrainte écologique est supérieure à la valeur de liberté sur le marché. C'est un début de message que ces politiques-là ne vont pas annoncer parce qu'ils n'ont pas envie de faire la victoire des écolos après, hein, soyons clairs, hein, ils n'ont pas envie de faire ça. Mais en tout cas, idéologiquement, ils ont avancé ce point-là, ils sont occupés à changer et ils mettent des moyens financiers colossaux, insuffisants, mal organisés, mais en tout cas, ils ont bougé sur ce point-là et moi, je pense que c'est porteur d'avenir, c'est porteur de quelque chose de positif. Ce ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont démarré là dans une voie que je soutiens et que voilà, ici j'en avertis chacun. Lisez ce document, c'est intéressant, c'est porteur d'espoir. Ce ne sera pas suffisant, il faudra aller plus loin, il faudra pousser. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est... Oui, j'ai trouvé extrêmement passionnant, ça rebondit beaucoup depuis tout à l'heure. Il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé depuis le début, c'est l'aspect de l'économie circulaire. Parce qu'on a beaucoup parlé de démonétisation, etc. Et c'est vrai que ça prend sens. Mais on n'a pas du tout parlé d'économie circulaire. Et on a encore parlé ici maintenant effectivement du capitalisme qui tourne un peu vers le vert. Mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing. On sait que la contrainte environnementale est là. Mais ça fait quand même 50 ans qu'on nous en parle. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'économie circulaire et du fait de sortir aussi de ce qui nous met dans le mur sous peu, cette obsession de croissance. On n'arrête pas de nous parler de ça aussi. C'est vrai qu'on est sur une terre finie qui n'est pas en croissance. Si on nous parle constamment de croissance à deux chiffres, comment est-ce qu'on sort de ça et est-ce que notre pouvoir aussi n'est pas d'être beaucoup plus dans une économie circulaire et de faire tourner les choses plutôt que de produire constamment? Cette question n'a pas été abordée. Mais parce que moi, je ne crois pas dans la pertinence de l'économie circulaire comme une réponse systémique aux problèmes qui sont en train de conduire la société humaine vers une division de plus en plus forte et grande de type apartheid au niveau mondial. Pourquoi ? L'économie circulaire reste toujours dans la logique de comment on peut valoriser, augmenter la capacité de la, dans les différentes phases de la chaîne de la valeur qui est appelée. C'est-à-dire, on considère que toutes nos activités ont une logique, ont une légitimité, dans la mesure où ils font partie de tout le système actuel, système mondial, capitaliste, financier, et c'est une chaîne où, à chaque moment, dans chaque territoire, il faut contribuer avec une création de valeur. Et que la responsabilité de chacun de nous, de chaque territoire, de chaque ressource, c'est d'être valorisé de manière à ce qu'on crée de plus en plus toujours cette valeur dans la chaîne totale de la création de richesses. Et c'est ainsi qu'alors ça conforte l'économie circulaire, se fonde sur le postulat que tout est ressource. Et que la légitimité d'existence de cette ressource, c'est d'être rentable, de faire partie de la création de valeur. Alors, ce livre est le résultat de tant de ressources. Ce livre devient ressource pour une autre activité de création de valeur. L'autre création de valeur deviendra ressource, etc. Et donc, l'économie circulaire, au fond, identifie ce que jadis, nous, les économistes de gestion, nous appelions, si on veut un peu la filière. On appelait la filière, il y a la filière de la choucroute, il y a la filière de l'acier, il y a la filière. Et par exemple, la choucroute, la chaîne de la valeur dépend des saucisses, dépend du chou, dépend des piments. Et on a toujours cherché à savoir quel est l'ingrédient dans la composition, dans la mixture de production de la chaîne, dans la filière de la choucroute, la filière de la confiture, la filière du lait, la filière du bois, etc. Aujourd'hui, on n'est plus seulement dans la filière sectorialisée, on est dans la conception de la circularité de l'économie, où tout devient interdépendant et tout devient ressource possible. Il n'y a pas de limite, donc, à la croissance. Attendez. Il n'y a pas de limite à la croissance. Il n'y a pas de limite à la création de la valeur. Tout ce qui est intéressant est avoir la maîtrise de la technologie qui permet de, justement, valoriser n'importe quoi pour faire une nouvelle création de valeur. C'est ça, la technologie importante. C'est pour ça que l'économie circulaire part de l'idée tout techniquement peut se transformer en richesse. La deuxième caractéristique de l'économie circulaire, c'est qu'il donne l'importance à la gestion. Il n'y a pas d'économie circulaire s'il n'y a pas une bonne gestion, ce qui s'appelle aussi la gouvernance. La gouvernance signifie que les différents acteurs qui sont là, qui sont porteurs d'intérêt, voient toujours les opportunités et qui donc fassent un bon calcul du point de vue de la gestion des coûts-bénéfices. C'est pour cela que les coûts d'opportunité deviennent très importants pour décider la circularité d'une économie. Ça m'amène longtemps, maintenant il est presque 10h20, il faut terminer, mais j'ai voulu expliquer pourquoi je ne pense pas que le devenir de nos sociétés passe par l'économie circulaire. C'est pour ça que moi, je n'en parle pas souvent. Je regrette de vous décevoir, peut-être. Je ne partage pas son avis. Soyons clairs, je ne partage pas son avis. Je peux poser ma question, là. Ça fait une demi-heure que j'attends. La dernière question, ça ne sert à rien au bar. Bon, je m'adresse à Ricardo. Tu sais très bien que la question que je te pose souvent, comme toi tu racontes ton histoire d'instituteur, moi je raconte toujours la même question. Ce sont pas les alternatives qui nous intéressent, on les connaît. Il y a des bibliothèques d'alternatives. Ce qui nous intéresse, c'est comment les appliquer, comment obliger l'État à obéir, à accepter ces alternatives. Tu as dit deux choses. Tu as dit, on a passé de nanosecondes à 7 secondes, ils ont refusé. Tu as dit l'harmonisation fiscale en Europe, Juncker a refusé. C'est ça le problème, c'est ça le nœud du problème, c'est que eux refusent nos revendications. Donc nous, nous devons trouver un moyen pour les obliger à les accepter. Ouais. Et la seule chose, comme je dis, pour arrêter un train, il ne suffit pas de crier « stop », hein, il faut accéder au levier de commande. Donc les citoyens doivent accéder au levier de commande pour pouvoir changer les choses. Et tant qu'on ne pensera pas aux moyens d'y arriver, ça ne changera rien, ces discours, ces réunions, ces débats, ces blocs où on dit tout, mais on ne cherche pas les moyens d'obliger l'État. Et de tout que une des revendications des Gilets jaunes, le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, avec un référendum révocatoire qui est très intéressant et qui peut obliger l'épée de Damoclès sur les décideurs. C'est ça ce qu'il faut faire. Ok. Allons-y. Faisons-le, mais faisons-le d'abord au bar. Voilà.